Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. De la tempérance. Explication. Nous examinerons d'abord ce qu'est la tempérance, et quels vices lui sont opposés. Nous nous occuperons ensuite des parties de la tempérance, en général, puis de chacune d'elles, en particulier. Les parties intégrantes de cette vertu sont la honte et l'honnêteté. Les parties subjectives se divisent en plaisirs de la table et en plaisirs de la chair. Les plaisirs de la table sont réglés par l'abstinence, dont l'acte principal est le jeûne, et qui a pour vice contraire la gourmandise, puis, par la sobriété, dont le vice opposé est l'ivresse. Les plaisirs de la chair sont réglés par la chasteté et la virginité, vertus qui ont pour contraire la luxure, et ses différentes parties. On trouvera plus loin les parties potentielles et des préceptes de la tempérance. Question 141. Nature de la tempérance. La tempérance est une vertu spéciale, son objet, sa règle. Elle est une vertu cardinale, son excellence. 1. La tempérance est-elle une vertu? La tempérance, qui, comme son nom l'indique, est un tempérament, c'est-à-dire une modération dictée par la raison, doit prendre rang parmi les vertus, puisqu'elle nous porte à ce qui est raisonnable. Note. La tempérance, dira quelqu'un, nous éloigne des plaisirs auxquels la nature est portée, donc elle n'est pas une vertu. La nature inclinant chaque être à ce qui lui est convenable, l'homme, nous en convenons, désire naturellement les plaisirs qui lui conviennent, mais étant, comme homme, un être raisonnable, il ne doit se permettre que les plaisirs approuvés par la raison. Or la tempérance n'éloigne pas de cela, elle répudie seulement les jouissances contraires à la raison. Loin de combattre les inclinations de la nature humaine, elle s'accorde avec elle, et ne contredit que les mauvais penchants de la nature animale. Fin de la note. 2. La tempérance est-elle une vertu spéciale? La tempérance, quand on entend par cette expression la modération qu'apporte la raison dans les actions et dans les passions humaines, désigne une qualité commune à toutes les vertus, mais, prise spécialement pour la modération des plaisirs qui entraînent le plus l'homme au-delà des bornes de la raison, elle est une vertu particulière, qui a son objet propre aussi bien que la force. Celui de mettre un frein aux excès de la nature animale, par lesquels l'homme s'avilit. 3. La tempérance a-t-elle seulement pour objet les concupiscences et les plaisirs des sens? Les biens sensibles, considérés en eux-mêmes, ne sont pas opposés à la raison, ils sont plutôt pour elle un moyen d'atteindre sa fin. Le mouvement de l'appétit sensitif vers eux ne nous est contraire que par son dérèglement. La tempérance a pour objet d'en modérer l'excès, en comprimant les passions qui nous entraînent vers ces biens, c'est-à-dire les concupiscences et les plaisirs. Par voie de conséquence, elle modère aussi les tristesses qui naissent de la privation des jouissances sensibles. 4. La tempérance a-t-elle pour objet propre les concupiscences et les plaisirs du toucher? Chargée de réprimer le désir des plus grandes jouissances, la tempérance a pour objet propre de mettre un frein au plaisir de la chair, qui concerne la propagation de l'espèce humaine, et au plaisir du boire et du manger, qui regarde la conservation de la vie corporelle. La nature animale n'ayant pas de plus grande satisfaction que celle-là. Comme ces diverses satisfactions appartiennent au sens du toucher, nous devons dire que la vertu de la tempérance a pour objet principal la modération des plaisirs du toucher. 5. La tempérance a-t-elle pour objet les plaisirs du goût? Les plaisirs du goût, de l'odorat et de la vue se rapportent secondairement à la vertu de la tempérance, en tant qu'ils rendent plus agréable l'usage des choses nécessaires à la conservation de la vie. Comme le goût se rapproche du toucher plus que les autres sens, il est aussi plus que l'objet de la tempérance. Note. Il distingue la saveur des aliments, qualité additionnelle à leur substance et indice d'une nourriture convenable. Fin de la note. 6. Les nécessités de la vie présente sont-elles la règle de la tempérance? L'homme tempérant, dit saint Augustin, trouve dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament une règle pour l'usage des biens d'ici-bas. C'est de n'en aimer ni de n'en désirer aucun qui ne soit nécessaire au soutien de sa vie et à l'accomplissement de ses devoirs. Toutes les choses agréables dont les hommes font usage sont destinées à pourvoir aux nécessités de cette vie, il en résulte que ces nécessités elles-mêmes peuvent servir de règle à la tempérance, en d'autres termes. On doit user des plaisirs de ce monde autant que les besoins de la vie présente l'exigent. Note. Tous les agréments qui dépassent les nécessités du corps ne sont pas pour cela un péché contre la tempérance. Cette vertu reconnaît non seulement les nécessités sans lesquelles on ne pourrait exister, comme le boire et le manger, mais encore celles qui sont simplement de convenance. L'homme tempérant, dit le philosophe, désire les jouissances, soit à cause de sa santé, soit pour le maintien de ses bonnes habitudes. Il repousse celles qui y sont contraires, mais, pour les choses qui, sans être absolument nécessaires, ne sont pas nuisibles, il s'en sert modérément selon les lieux, les temps et la convenance des personnes avec lesquelles il vit. Or les nécessités de convenance embrassent tout à la fois les convenances du corps, de la fortune, de la condition, et surtout de l'honnêteté. Fin de la note. 7. La tempérance est-elle une vertu cardinale? Saint Grégoire place la tempérance au nombre des vertus principales. La modération, requise dans toutes les vertus, et plus spécialement louable dans les plaisirs du toucher, objet de la tempérance. Ces plaisirs nous sont plus naturels que les autres, et il nous est d'autant plus difficile de nous en priver et d'en réprimer les désirs, qu'ils proviennent de certains actes nécessaires à la vie actuelle. Pour cette raison, la tempérance prend rang parmi les vertus cardinales. Note. La raison brille avec d'autant plus d'éclat dans la tempérance qu'elle modère les concupiscences et les délectations les plus éloignées d'elle-même, celles qui nous sont communes avec les brutes. Fin de la note. 8. La tempérance est-elle la plus grande des vertus? Le bien de la multitude l'emportant sur le bien d'un seul homme, plus une vertu est utile à la société, meilleure elle est. Or la justice et la force sont plus utiles à la multitude que la tempérance, la justice règle nos relations avec le prochain, la force nous fait affronter les périls de la guerre en vue du salut public. La tempérance règle seulement les désirs et les plaisirs d'un individu relativement à lui-même. Il est évident par là qu'elle n'est pas la plus grande des vertus, elle n'égale ni la justice ni la force, inférieures elles-mêmes à la prudence et aux vertus théologales. Markandanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.